suis Orphée Recoin et je suis le président du groupe d'entraide mutuelle L'Envol des Pays de Cornouailles. Un groupe d'entraide mutuelle, c'est un groupe de personnes qui sont concernées par les mêmes problèmes, par des problèmes similaires, et qui choisissent de se réunir et de faire corps de façon à sortir de leur solitude, rompre l'isolement essentiellement. Reprendre leur vie en main, se reconstruire, se soutenir moralement, c'est important. Faire des rencontres, tisser du lien social, construire des loisirs. C'est une structure qui vise à offrir un lieu de socialisation et de vie aux personnes en situation de souffrance psychique ou psychologique. Une structure de compensation du handicap psychique. Les GEM ne sont pas des structures de soins. Il faut que ce soit très clair pour les gens, mais on n'est pas, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. Même si des fois, dans certains cas, on peut faire le lien avec le monde médical, s'il y a une demande particulière d'un adhérent. Les GEM sont des lieux de vie, en fait. C'est un salon où je rencontre mes amis. Il y a plusieurs types de GEM. Il y a des GEM qui sont destinés aux personnes qui sont atteintes de maladies psychiques. Il y a des GEM qui sont destinés aux autistes et aux traumatisés crâniens. Voilà, ce sont les trois types de GEM qui existent actuellement en France. Ça a été créé en 2005, si mes souvenirs sont bons. Et les GEM ont évolué vers d'autres formes que celles juste à destination des personnes en situation de maladie. On essaie d'avoir un éventail de propositions qui viennent des adhérents. C'est pas une autorité au-dessus qui décide des activités. Ce sont les adhérents qui choisissent les activités qu'ils veulent faire. Et la plupart des activités sont portées par des adhérents eux-mêmes. On propose l'organisation de loisirs, éventuellement des séjours. Des activités autour du jeu, du chant, on a eu aussi autour des arts plastiques, des repas pris en commun, il y a du théâtre aussi, voilà, il y a pas mal de choses en fait. Ouais. C'est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h pour le GEM de Quimper. Ça peut être ouvert en dehors de ces heures-là. Ça arrive. Moi, il m'est arrivé d'ouvrir à partir de 8h30, 9h aussi. Des fois, ça peut être ouvert le dimanche. Soit parce que on va manger au GEM, soit parce qu'il va y avoir des balades, ou je sais pas, un rendez-vous pour aller se faire un cinéma, des choses comme ça. Entre autres, on a l'intervention d'une association partenaire, les entendeurs de voix, qui sont reçus dans les locaux du GEM en dehors des horaires d'ouverture du GEM. Non, on ne dort pas là-bas. C'est peut-être une des rares restrictions avec l'interdiction de l'alcool dans les locaux du GEM. Non, on ne dort pas là-bas. Actuellement, il y a un peu plus de 300 GEM, je crois, en France. Donc, il y a plutôt une bonne couverture nationale, mais c'est pas dans toutes les villes. Là, on n'a pas de. Et il y a des villes qui ont plusieurs GEM. À Brest, ils sont trois GEM, il me semble. Il y en a un pour les handicapés psychiques, peut-être deux. Ils sont trois ou quatre, je sais plus. Il y en a un pour les autistes, un pour les traumatisés crâniens. Donc il y a une sacrée représentation des GEM à Brest, par exemple. À Quimper, on a juste un GEM. Voilà. Ça dépend des besoins aussi de la localité, de la dynamique des personnes qui veulent s'investir dans un GEM. C'est très variable. Alors, comment savoir si on a un GEM à proximité? Ben, il faut googler. Je crois que c'est le plus simple. Et si on n'a pas accès, si on n'a pas accès à un outil informatique, on peut avoir ce type de renseignement auprès des CMP, des centres médico-psychologiques, ou auprès de son psychiatre. Voilà, on peut trouver des relais d'informations qui peuvent mener à un GEM. C'est très simple de contacter un GEM, hein. Des fois, c'est difficile d'y arriver. Non, pour les personnes, ça peut être difficile de faire la démarche. C'est pas si simple parce qu'on débarque dans un endroit inconnu avec des gens inconnus. Moi, la première fois que je suis arrivé au GEM, je savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Hein. Groupe d'entraide mutuelle, ça me parlait. Voilà. Mais j'aurais jamais pensé que je deviendrais président du GEM, que je m'y impliquerais autant, ou que je m'intéresserais à la représentation des usagers en santé mentale dans les structures et les instances. Voilà, non, ça a été une rencontre. Alors on peut contacter le GEM quand on a envie. Si on en a besoin, si on y trouve, si on y trouve son compte, voilà. On peut téléphoner au GEM et y passer. On peut accueillir les gens tout de suite. Le principe du GEM, c'est une grande disponibilité, en fait. Alors, l'accueil dans un GEM, ça se déroule très simplement. On présente le GEM à la personne, on discute avec elle, on essaie de comprendre ce qu'elle peut avoir à attendre d'un GEM. Et puis en général, on lui propose un café, on discute avec elle, enfin, sur les bases d'une convivialité normale. Quelqu'un qui se retrouve dans un GEM, c'est quelqu'un qui se reconnaît une déficience psychique, quand même. Qui ne suit pas forcément un traitement, qui n'a pas forcément été hospitalisé, voilà, qui n'est pas forcément dans une démarche de soins, mais qui a besoin de retrouver une vie sociale. On ne demande pas un certificat médical à l'entrée d'un GEM. Il suffit de se reconnaître dans les valeurs du GEM. Et d'avoir envie de participer à un groupe dans un esprit d'entraide. Le bénéfice, il est indirect. Comme ce n'est pas une structure de soins, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas une visite thérapeutique. Mais indirectement, on participe d'une certaine manière de la réhabilitation psychosociale des personnes. Je ne sais pas s'il y a des preuves, parce qu'il n'y a pas d'études. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les personnes qui fréquentent les GEM ont moins d'hospitalisations et des hospitalisations plus courtes quand elles ont lieu. Voilà. Il y a un effet positif sur la maladie psychique au fait de fréquenter un GEM. Le fait d'avoir une vie sociale améliore la santé mentale. Tout simplement. Tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas adhérent par principe à un groupe d'entraide mutuelle. Il faut savoir qu'on a plusieurs niveaux de proximité au GEM. Il y a le bureau, il y a le conseil d'administration qui sont les plus engagés dans le GEM. Il y a les adhérents, il y a les personnes en découverte du GEM. C'est-à-dire que le GEM est à l'essai. Les gens peuvent venir au GEM et essayer le GEM pendant un mois. Ils ne payent pas la cotisation, mais ils peuvent venir. Et puis, il y a les personnes qui gravitent un peu autour du GEM, qui n'y sont pas adhérents, qui profitent juste de l'espace d'accueil pour prendre un café, discuter, voilà, prendre une barre chocolatée, ce qu'ils veulent. Et ces différentes populations articulent leur vie ensemble. Il y a des solutions alternatives. Alors à Quimper, il y a deux autres structures. Il y a le Sémaphore qui propose des activités de loisirs pour les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu pour le coup. En revanche, ce n'est pas du tout un fonctionnement démocratique comme au GEM. C'est-à-dire que les activités sont proposées de l'extérieur et les gens viennent remplir les cases et viennent consommer de l'activité et ne sont pas les créateurs de cette activité-là, contrairement au GEM. Et puis il y a Silène Café, qui est un espace intermédiaire entre lieu de soins et lieu d'insertion et lieu de réhabilitation psychosociale, mais qui se situe dans l'enceinte de l'EPSM du Sud Finistère. Si le GEM ne suffit pas pour la personne, il faut qu'elle se tourne vers le milieu ordinaire. Je veux dire, la liberté, elle est en dehors de l'hôpital, hein. La vraie vie sociale, même si on a une vraie vie sociale à l'intérieur d'un GEM, mais la socialisation, elle est à l'extérieur des GEM, en fait. C'est vraiment un lieu de compensation du handicap. C'est parce que les personnes, dans leur vie, à un moment, n'arrivent plus à fonctionner avec la société, qu'ils vont avoir besoin de structures, de support, comme le GEM. Voilà. En France, il y a des maisons pour tous, qui sont un acteur extrêmement important de l'éducation populaire. Il y a les fédérations laïques, alors, il y a des associations cultuelles aussi, parce qu'il y a des gens qui sont croyants et qui ont besoin de trouver une communauté de croyants. Voilà, donc ça, il y a cette possibilité-là, c'est pas mon cas, mais c'est audible. Il y a les centres culturels aussi. Voilà, enfin, il y a de quoi faire. Et les centres culturels, il y en a dans toutes les petites villes, hein. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, toutes les petites villes ont un centre culturel avec une programmation théâtrale, des activités proposées, de la musique, du chant, de la chorale. Du théâtre, de l'art plastique, du tricot ou autre, que sais-je. Enfin, non, en France, il y a de réelles ressources pour construire une vie sociale enrichissante. Alors, la stigmatisation des personnes en situation de maladie psychique, c'est un autre problème, c'est très compliqué. On part de très loin en France. Au Canada, c'est pas du tout la même ambiance. Une société beaucoup plus inclusive. Nous, en France, on a eu besoin de créer les GEM parce que la société n'était pas assez inclusive. Alors, on a été obligé de créer cet outil-là. Un GEM, c'est avant tout une aventure humaine. Ça peut être d'une grande aide. Vraiment. Dans le sens où ça permet de reprendre pied dans une vie sociale épanouissante. Chose que moi j'avais complètement perdue depuis des années en fait. Et ça permet de faire de vraies rencontres. C'est pas juste des adhérents entre eux qui bricolent des activités et qui font de l'occupationnel ou du loisir. C'est aussi des vraies rencontres. Voilà. Donc, je pense que les GEM ont vraiment toute leur place dans la vie sociale des personnes en difficulté psychique. Ouais.